Allez, soyons fous! Tranquille. Abre los ojos. Clair, obscur. Musique sombre sur Rage. Mais y'a pas de papier, alors comment je vais faire? Pas de papier water, pas de papier water. Ça c'est pas hygiénique et ça laisse des traces. En plus y'a quelqu'un qui veut prendre ma place. Mais j'ai bien envie de me rhabiller. C'est un vrai challenge pour les lessiviers. Pas de papier water, pas de papier water. Et oui, deux geeks qui présentent une émission depuis presque 4 ans. Il fallait bien qu'on commence un jour avec le thème de la guerre des étoiles pour cette émission clair-obscur qui vous accueille à partir de 22h après Laborock. Vous pensez que c'est pas sérieux comme introduction? Ben, on est bien d'accord avec vous. Nous aussi, on pense que c'est pas sérieux. Mais ce soir, on s'en fout. Parce que ce soir, c'est l'émission exutoire de clair-obscur dans laquelle on se prend pas au sérieux, on prend pas la playlist au sérieux et on prend pas les auditeurs pour une fois pour des cons. Alors, en leur diffusant toutes les saloperies, tous les trucs les plus minables de la planète Goth. Et d'ailleurs, pour vous ramener tout ça pour une playlist, on y va sans pudeur et on rigole un bon coup à l'approche du 1er avril. Ce 1er avril 2012, en compagnie de moi-même, hein, qui suis composé de 90% de méchanceté, de 9% de vice et d'1% de boulon, Stéphane, ainsi que ma collègue qui est composée à 80% d'eau et à 20% de bas morceaux, mais elle est jolie quand même, c'est Nathalie. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Merci d'avoir dit aux auditeurs que j'avais de la cellulite en étant composée d'eau. Je te remercie. Bonsoir à tous, amis auditeurs. Merci d'être là ce soir. Alors, si vous pensez qu'on a atteint le summum de l'humour pourri, eh ben vous allez voir, on est capable de faire pire que d'habitude. Niveau musique, on est capable de faire pire que d'habitude. Niveau calembour pourri, pire que d'habitude. Donc je vous laisse deviner ce soir, Stéphane nous a commencé avec une musique authentiquement poétique, je pense que tout le menu va être de même acabit. Les bidochons pour ne pas les nommer, alors vous avez peut-être cru l'espace d'un instant être sur Rire et Chanson, mais non, vous n'êtes pas passé à la concurrence mes petits corbeaux, vous êtes bien sur Rage d'un clair obscur. Comme je disais, après Marilyn et Laborock, eh bien on continue avec la bonne musique et ce soir en plus de la bonne humeur, en tout cas on va faire de notre mieux pour vous la procurer le cas échéant. La bonne musique je décline toute responsabilité ce soir. Ce soir particulièrement, mais en général tu t'en sors très bien. Et ce soir donc, pour assumer, pour y aller sans pudeur, disais-je, j'ai ramené les Bidochons, hein, ce groupe qui fait des parodies de reprises des Beatles. Alors c'était une reprise de Paperback Writer, un morceau de 66 donc de la bande Apple McCartney. Et c'était donc les Bidochons qui faisaient Pâte, Papier, Water. Je crois que c'est une situation qui sent le vécu, pour ne pas dire qu'elle sente autre chose. Et on va continuer alors, puisque la Saint-Valentin n'était pas si loin que ça. Oh, bien, la transition. Ben écoute, c'est avril, magnifique. On a loupé la Saint-Patrick, alors on est passé directement de la Saint-Valentin au 1er avril, mais les auditeurs nous en tiendront pas à rigueur, puisque, comme moi, chers amis, vous avez sans doute pensé qu'une de vos ex serait sans doute beaucoup, beaucoup plus jolie dans un cercueil. Eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. C'est aussi le cas du chanteur de Blitzkid, qui le dit haut et fort dans cette chanson qu'on va écouter tout de suite. Pretty in a casket, jolie dans un cercueil, qui sait, c'est peut-être aussi ce que certains disent de Nathalie. Baby, you look so pretty in a casket, ma chérie, tu as l'air si mignonne dans un cercueil. C'est le teint livide, ça. Ah oui, c'est le teint livide ou cramoisi qu'on aimerait rendre à certaines qui nous ont brisé le cœur. Les gars, hein, derrière votre poste. Ou pas que les gars, hein, on aime tous voir nos ex dans les cercueils. Allez, on fera une soirée nécrophilie en sortant du studio. Ouais. En attendant, vous êtes avec nous dans Clair Obscur sur Rage et vous l'aurez compris, ce soir c'est une playlist qui ne se prend pas au sérieux. On vous a ramené des tas de cochonneries radiophoniques pour égayer votre soirée rock sur Rage. Et on a commencé avec les Bidochons, avec Blitzkid, un groupe américain que j'aime bien, notamment dans cette chanson, donc qui prend avec cet humour typiquement psychobilly, on va dire, qui parle de zombies, de mort et d'amour, tout ça dans un côté bon enfant et très cartoon et très spooky. Allez. Et on va continuer alors avec des morceaux que toi, Nathalie, tu nous ramènes, parce que tu n'es pas en reste. Hein. Oh non, je ne suis pas en reste dans la bêtise, dans la connerie, dans l'absurde. Avec ce soir un morceau d'Andrea et Nicolas. Alors Andrea et Nicolas, pour vous les présenter, vous prenez un échappé d'Ultra Vomit, qui est un groupe déjà extrêmement poétique. Vous rajoutez un autre d'Era Nova, qui est un groupe de métal un peu plus péchu, un peu plus bourrin. Et vous mélangez le tout avec un petit côté Richard Gottener et Fond de Corbier. Vous prenez des mélodies complètement loufoques sur des petites chutes de 2 minutes 30 sur des sujets complètement débiles et geeks. Et vous avez Andrea et Nicolas qui ont leur album complètement débile nommé Super Chanson. Alors je vous engage à aller sur leur site ou aller les voir en concert parce que c'est assez extraordinaire. En attendant, je vous laisse déguster cette merveille. Je vous laisse, alors attention, si je bégaye, c'est normal, ça s'appelle Chacun ses soucis. Vous verrez chacun ses sushis. On est... Éthiopie, un avion s'est écrasé sur une école maternelle. Vous cassez, on oui. compte sur vous pour envoyer oui. vos dons à la... Rien à cirer, moi ma philosophie, c'est chacun ses soucis. Sais-tu qu'il y a de la misère en Afrique, des petits enfants qui meurent de faim? Écoute, je suis pas raciste, mais en ai rien à pisser. Et puis c'est tout. Si l'un de ses enfants sonne chez toi demain, s'il a besoin de nourriture pour survivre, pas de file un grain de riz, puis appelle un taxi, direction Orly. Car chacun ses soucis, chacun ses ennuis, chacun ses soucis, chacun ses ennuis, ses soucis, ses couilles, ses tuiles, chacun ses histoires, ses tracas, ses haines, ses blèmes. Ta mère vient de tomber du troisième étage, l'emmènes-tu à l'hôpital? Bien sûr que non, qu'elle arrête sa comédie, moi je reste dans mon lit, et puis c'est tout. Ce qui devait arriver arriva, son cœur s'est arrêté de battre dans la nuit. Si son état nécessitait des soins intensifs, et bah c'est tant pis. Car je... Si jamais j'ai envie d'un restaurant japonais, acceptes-tu de m'inviter? Bien sûr que oui, cependant je t'avertis que ma philosophie, c'est chacun ses soucis. Oui, chacun ses sushis, chacun ses poissons crus. Comme un dimanche sans brunquer, comme mon frigo sans une Je m'habitue à ne plus me servir de mes yeux, au cas où il faudrait les revendre pour me payer un billet pour aller te chercher jusqu'en Finlande. Je m'habitue à manger en avalant et sans mâcher, mais ça c'est juste pas comme ça, pour le plaisir d'essayer. Et je me sens comme un sandwich grec sans sauce, comme l'ennui sans la rose, comme te boule sans la pelle, comme le monde sans Michel, comme un rasta sans son spliff, comme un gadget sans son pif, comme Gainsbourg sans Gainsbourg, comme Renault sans Renard. Ça doit être plus facile de trouver l'âme sœur quand on est bisexuel. Bah, il y a plus de choix. Mais bon, ceux qui ont vraiment l'embarras du choix, c'est ceux qui sont et bi et nécrophiles. C'était la philosophie de la Minute Blonde. Vous savez, ce programme à la télévision qui était assez sympathique et dont j'avais envie de ramener une petite perle de philosophie dans l'émission, hein, parce que Nathalie est blonde inside et elle aussi, de temps en temps, elle a des saillies assez drôlatiques comme les deux morceaux qu'elle vient de nous ramener. En effet, à l'instant, vous avez sans doute reconnu les Fatal Picard avec le morceau Seul et célibataire version rock qu'on a pu retrouver déjà découvrir sur l'album Pamplemousse Mécanique, hein, qui est une grande œuvre des Fatal Picard, et juste avant, deux morceaux d'Andrea et Nicolas, donc un mélange d'ultra-vomi, de métal, de conneries, de délire et de corbier, avec chacun ses soucis et survie du morceau Je suis narcoleptique. Vous aurez remarqué, hein, quand on s'endort, le moindre choc, pof. À surveiller. Donc, eh bien, puisque avec les Fatal Picard, tu nous parlais un peu des effets secondaires de l'amour, eh bien, moi, j'ai envie de ramener certains des auditeurs qui, comme moi, étaient petits dans les années 80, à leurs premiers émois amoureux, justement, enfin, plus précisément sexuels, avec ce fameux tube de Sabrina Salerno. Vous savez, elle dansait avec ses gros lolos dans la piscine, dans le clip en 87-88, là. Boys, boys, boys, I'm having such a good time. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars. Hein, ah, il a les yeux qui brillent. Ah là, oui, c'est... mais attends, plus bas que les yeux. Je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne veux pas voir. Et pour en revenir à la musique, eh bien Sabrina Boys donc aura sans doute laissé un souvenir impérissable à pas mal de gars. Et moi, je vous propose la version ce soir de LTNO, ce groupe indus qui lui non plus ne se prend pas au sérieux, avec une version assez libidineuse. Je vous laisse écouter ça. Loud. Boys and girls and summertime love. Boys and girls and summertime love. Boys and girls and summertime love. Boys and boys. Boys and girls. Girls and girls. Boys and boys. Everybody. All of my most sensitive areas were inflamed. And love. My extremities pulsating with tingling sensations. And love. Floating higher and higher. Baby. And love. A wonderful feeling, feeling. Baby. And love. I began to float up and away from my body. And love. As my brain seemed to be held in the grip of a giant fight. And love. Swaying back. My head is spinning. No one had a bad trip. Boys, I'm looking for a good time. Boys, get ready for my love. Boys, I'm looking for a good time. Boys, I'm ready for your love. Very good. Allez, c'est la série disco qui redémarre. Comme dans toute bonne soirée, il faut danser. Super. Allez les filles, allez les garçons. Tu danses, tu oublies ton corps. Tu as le méga dance power. Tu danses, tu ondules. Comment veux-tu que je danse? C'était le QVC à la Casbah, voilà, en discothèque. Et une soirée tuning. Non, vous irez en discothèque ce week-end, chers amis. À l'instant, c'était Cad et Olivier pour conclure cette série de deux morceaux que je vous ramenais ce soir pour un petit côté nostalgie. Je voulais pas être en reste par rapport aux nanas qui, elles aussi, ont un droit à leur nostalgie des années 80. J'adorais ce truc en plus. Mais moi, je préférais les méchantes. C'était vachement les Misfits, plus fun. Ouais. Ah ouais. Mais je crois qu'on a tous connu d'abord les Misfits du dessin animé et ensuite les Misfits. le groupe, décidément. Et ça a dû inspirer pas mal de groupes de glam, hein, d'ailleurs, ce style-là, parce qu'on retrouve certains gars qui emmène un peu le style des James et les hologrammes ou des Misfits. Je ne citerai personne, mais bon, franchement... On vise pas notre ami Stéphane. D'ailleurs, on n'avait pas parlé dans. Non, c'est bon, on n'avait pas sorti dans l'émission Glam. On n'avait pas parlé justement de ce dessin animé qui correspond un peu à l'esprit Slice de l'époque. Enfin bref. Et tiens, petite anecdote à propos des Misfits. Justement, en préparant cette émission, j'ai découvert deux groupes sympas américains qui font des reprises des Misfits. Il y a d'un côté, il y a les Misfits. C'est un groupe de mecs qui sont assez obèses, mais qui prennent ça à la rigolade en jouant sur scène des reprises des Misfits avec le look et tout. Et d'un côté, il y a les Beach Fits, qui sont une groupe de nanas qui font exactement le même délire, mais en plus X salope, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est sur les scènes du Midwest américain. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, faites-vous plaisir. En ce qui me concerne, je reste aux Misfits et à Jem et les Hologrammes, qui était un dessin animé des années 80 dont les nanas sans doute se souviennent. C'était une reprise par le groupe Freeze Pop, un groupe de synth-pop assez mièvre, mais disons que avec cette reprise, j'avais trouvé ça assez mignon de toute manière, et ça faisait suite à un petit clin d'œil à Sono 4000, les deux DJ complètement allumés qui nous viennent du côté de Lyon. Et juste avant, il y avait El Teno avec une reprise de Sabrina Salerno, et ça c'est tous les garçons qui s'en souviennent avec une, larme dans mecs, ouais. avec une larme dans leur slip. Et c'était une reprise donc de Boys. Et bon, tout ça malheureusement c'est les années 80, c'est notre enfance, notre adolescence ou plus loin encore. Et toi Nathalie, tu nous ramènes vers l'actualité. Vers l'actualité, un peu moins sexy quand même que Jem et les Hologrammes, hein. Les Vampas sont un peu plus masculins, un peu plus poilus, alors en body paillette je veux pas imaginer. En attendant, dans cette période électorale, il y a pas très longtemps, je suis retombée sur un morceau qu'ils avaient fait pour l'Eurovision, parce qu'ils avaient envie en 2007 de participer à l'Eurovision. Donc ils avaient fait un morceau nommé « Faut voter pour nous ». Et bah, j'ai trouvé que en ce moment, avec leurs délires électoraux, leur campagne, leurs bêtises politiques et compagnie, c'était fort à propos, surtout sur une spéciale 1er avril, car n'y a-t-il pas plus grande blague que la politique et nos hommes politiques tels que nous les voyons actuellement. Ça n'engage que toi. Tout à fait, mais j'assume là totalement. En attendant, je vous propose de découvrir cette version Eurovision ou pas Eurovision des Vampas avec « Faut voter pour nous !» Pain. Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, Elvis Presley. One for the money, two for the show. Three to get ready now, go, go, go. Please don't you. Step on my blue sweatshirt. Oh, you can do anything, but don't step on my blue sweatshirt. Come on, girl, everybody. Blue sweatshirt. Blue sweatshirt. Blue sweatshirt. Well, you can do anything, but you don't step on my blue sweatshirt. Il était bien, cet Elvis. La prochaine fois, dans Yves Montand explique le rock, je vous expliquerai Yves Montand. See you soon. He's not a mortal man. God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mama jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your chibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take you to Brown Town. Now we got to blow this fucker down. It's gonna rape me if we do not blow doors down. Come on, Cage, cause it's time to blow doors down. Who will fire and drive you? It's time for the fact. Hey, Educator, Beelzebub, we know your weakness. Yeah. game. Come on, Cage, you're coming with me. Taste my lightning, fucker. You came, you shall remain until you are complete again. No! Fuck you, Cage, and fuck you, Jables. I'll get you, Tenacious D. Qu'on va s'en sortir. Rachel, tu n'as pas encore remarqué, tout est fini. Ça n'a plus aucune importance. Plus rien n'a d'importance. Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu es, tu resteras une connasse. J'avais adoré ce jingle à l'époque de Feu, l'émission Electrochoc, qui avait fait eux aussi des petits jingles assez sympas dans leur émission pendant quelques années sur les ondes de Rage. Mais ce n'est pas de l'électro qu'on vous a passé ce soir. Nathalie vous a réveillé avec du métal. Je vous ai réveillé, je vous ai secoué, j'espère que je vous ai aussi fait rigoler avec ce morceau de Tenacious D avec Jack Black et son groupe complètement barjo. Ça fait partie du film The Peak of Destiny. Si vous ne l'avez pas vu dans le genre débilité absolue dans la veine One's World, version musicale un peu plus poussée, je vous le conseille. Et d'ailleurs pour les amateurs, Tenacious D est en train de sortir un nouvel album nommé Rise of the Phoenix. Alors rien que la pochette est d'un goût somptueux, parce qu'il s'agit d'un sexe masculin gribouillé en phoenix, c'est d'un goût somptueux, rien que pour ça, ça vaut le détour d'aller découvrir leur boulot ou vraiment d'adhérer. Maintenant, je mets le tapis de James Bond parce qu'on a un petit mystère à faire résoudre aux auditeurs, les auditeurs qui nous rejoignent peut-être sur les ondes de Rage, sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, sur le www.rage.fr sur le web, ou bien le canal 8D de la RNT du côté de Marseille. On vous propose de vous joindre à nous pour un petit blind test, mais quelque chose d'un petit peu particulier, pour une raison très simple, c'est que c'est les grands hits du métal des années 70 et 80 repris à l'accordéon. C'était un délire que s'était tapé Digitofel sur internet et que je vous propose d'écouter tout de suite, et on vous propose de vous joindre à nous à la rigueur sur le Facebook pour participer au jeu et découvrir ainsi les morceaux qui sont réinterprétés à l'accordéon. Attention, André Verschura pour vous sur Rage. Découvrez André Verschura, le roi du bal métal. Avec son accordéon, il fait danser les jeunes sur des airs de musique art. De la Java Foxtrot, on danse le Heavy Musette. Ça gaz avec André Verschura et son orchestre, les Black Darons. Ah, le tango d'amour. Scorpion, Still Loving Do. En piste, les jeunes premiers. Sa chaloupe grave avec le Madison. Les plus téméraires s'essaieront à la rumba. Iron Maiden, The Troupette. Direction l'Espagne avec la série Paso d'Or. Et viva les cha-cha-cha! André Verschura la compile en vente dans tous les supermarchés. On peut aimer le métal et être un bon français un peu rétro, hein. Après tout, ce n'est pas incompatible, et André Verschura vient de le montrer donc avec ce petit blind test qu'on vient de vous proposer avec des tubes du métal, hein, AC/DC, Iron Maiden et tant d'autres, repris à l'accordéon. Le pire, c'est que c'est vachement bien fait en plus. Alors, ceux qui ont envoyé les morceaux dans l'ordre et qui ont trouvé les réponses auront droit certainement, si Stéphane est d'accord, à une bise sur la fesse gauche dédicacée par Stéphane lui-même à la sortie du studio. Oui, il faut, à condition de me faire boire beaucoup avant. Hein. Allez, maintenant, j'ai envie de vous passer un morceau un petit peu dans le même esprit de ce qu'on vient d'écouter, parce qu'on n'a pas de race et on n'a peur de rien ici dans Clair Obscur. Et ce morceau, j'ai pas du tout envie de vous le présenter. Je vais simplement vous dire que... Démerdez-vous. J'ai simplement envie de vous dire que j'envoie le bousin. Banzai! Banzai! Notre président s'est inspiré des Sex Pistols pour s'adresser aux Grolandais. Fuck you! I'm si tu aimes le rock, tendance Rolling Stones, sont un peu plus sombre, je te conseille d'écouter Clair Obscur sur Rage. Ta gueule, Philippe. Alors, si tu... Ta gueule, Philippe Manœuvre. J'ai dit à l'instant, c'était deux petits extraits de rock and roll hexagonal, puisque c'était les Vedettes, un groupe de petites nanas que j'ai découvert justement en faisant des recherches sur le. Ah bah bravo les recherches. L'hymne de Groland et comme on arrive au printemps, un printemps assez estival d'ailleurs. Tu es en fleurs, la sève t'a monté. Que les, pas que moi d'ailleurs. Oh, ah, que les hormones travaillent, chers amis, et que donc du coup, ce morceau était tout à fait approprié pour aborder le printemps, les Vedettes avec grand. Con, et c'était juste après un morceau donc des producteurs de Port, l'orchestre non officiel du Groland, avec le président Salengro qui interprétait l'hymne du Groland, God Save Groland. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas présenter tout à l'heure, parce que j'étais à peu près sûr que vous le reconnaîtriez vous-même, chers amis. Maintenant, on va aller vers quelque chose d'autre, c'est toi qui nous ramènes ça, Nathalie. C'est la dernière connerie, je vais dire geek entre guillemets, qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est tiré du Seigneur des Anneaux. Alors, faut reconnaître si on n'est pas habitué. C'est une phrase que sort le magicien quand il faut amener les hobbits à Isengard pour qu'ils sauvent le monde, etc. Gna, gna, gna, gna. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire. Si vous l'avez pas vu, vous comprendrez rien. Si vous l'avez vu, je vais vous gonfler. En attendant, c'est parti, complètement en cahouette. Alors pour les amateurs, si vous êtes fan et si vous voulez vivre avec ce morceau, il existe la version 10h et 20h que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, remixée inlassablement avec une qualité pathétique. C'est absolument atroce, c'est complètement débile. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, pour une spéciale 1er avril, rien de tel pour une programmation élitiste dans Clair Obscur ce soir. Je vous propose donc de découvrir ce fabuleux morceau d'Erwin Beckveld avec They're Talking the Hobbits to Isengard. Allez go les hobbits. Boys, et nous faisons de la musique, mais aussi des chroniques. Aujourd'hui, horoscope, jingle. Horoscope. Et on commence aujourd'hui avec les Verseaux. Aujourd'hui, les Verseaux, vous allez vous sentir seul. Vous serez des Verseaux, littère. Balance. Saloperie, va, on va te retrouver en Ceuta vite. Les Scorpions. I'm still in your... Taureau. Aujourd'hui vous êtes moche. Et oui, le taureau elle est. Les cancers. Dommage, c'est la prostate. Capricorne. C'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capricorne, c'est fini. Et dire que c'était la ville Vierge. De mon premier... Vierge, bonne nouvelle, c'est pour ce soir. Yeah. Ouais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était les Bratislava Boys. Toute la gaieté des pays de l'Est dans un chronique. Youpi, c'est la fête. Au royaume du canapé, oh yeah. Des affaires sans faire rougir le porte-monnaie. En comptant du flandin, en plus les prix ils sont trop bien. Où ça? Chez Canapé. Où ça? Des canapés à gauche, des canapés à droite, des canapés devant la porte d'entrée, derrière les sanitaires à gauche, des canapés. Ailleurs, Canapé vous offre ce fabuleux guéridon Marie-Antoinette en acajou massif. Parole de moi, je m'appelle pas Fossal Bazooka. Pour ça, il vous suffit d'appeler au 85222. Je répète, 85222, et c'est gravé à gauche des canapés. Bah dis donc, y a de la pub maintenant dans Clair Obscur. Enfin bon, si vous voulez un canapé, maintenant, vous savez où vous adresser, surtout pour la spéciale 1er avril. Juste avant, vous avez pu entendre les magnifiques Bratislava Boys. Et oui, même les gens de l'Est font de la publicité et des horoscopes. Alors, petite anecdote, le coucou coucou stache stache, tout le monde s'est demandé si ça voulait dire un truc. Et moi qui ai eu l'occasion d'aller en Slovaquie, justement l'année où on en a rabattu les esgourdes, on a eu la bêtise de demander aux nanas slovaques ce que ça voulait dire. Elles ont éclaté de rire, ça ne veut rien dire, désolé. Donc on a eu 54 heures de ce truc aller-retour dans le bus pour rien. Décidément. Et tiens, mais justement, là on n'a pas le temps, mais moi c'est un groupe slovène que je voulais ramener ce soir, Leibar, avec sa reprise de Life is Life, mais c'est pas grave, je vous la mettrai sur le groupe Facebook de l'émission, tout comme l'agenda concert, parce qu'on est attentionné sur Rage, on vous met un petit peu de pub pour habiller l'horoscope, mais on n'a pas le temps de vous parler de l'agenda concert, mais on vous mettra tout ça par écrit sur le net. Voilà, on a fini cette playlist, on arrive à la fin de l'émission, on espère que vous êtes bien marrés avec nous derrière votre poste, et maintenant je propose de nous quitter en douceur comme d'habitude et avec un projet que je vous avais déjà ramené, deux nanas pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, elles se prennent elles non plus vraiment pas au sérieux, il s'agit de Dithyrambe. Alors ce sont deux petites nanas de Grenoble, elles sont assez jeunes, elles sont toutes les deux chanteuses lyriques et Grand Prix de conservatoire, patin, couffin, tout ça, elles pourraient vraiment se prendre pour des bijoux de la reine. Et puis finalement elles ont un petit projet de délire, c'est-à-dire qu'elles reprennent des tubes punk et disco version chant lyrique, version baroque, en s'accompagnant au ukulélé. Elles font ça sur les foires, sur les marchés, dans les festivals, sur les fêtes, etc. Qui sait, peut-être qu'on les croisera un jour dans les rues du festival d'Avignon. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Je vous propose, moi, de nous quitter avec une reprise qu'elles ont fait du fameux « Should I stay or should I go » de The Clash. Et ce soir, chers amis, ben, nous, on doit y aller. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un petit zoom sur la Grèce. Là, un sujet un petit peu moins drôle. Et on vous dit, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On fait des gros bisous. Salut. Bonne nuit. Faites de vos rêves. C'était 22h minuit, c'est la fin de l'émission. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain, chers auditeurs et auditrices. On a fait une super émission. Ah, tu m'étonnes. Ah là là, c'était cool. C'est le refrain. C'est le message. C'est le message que tu veux véhiculer à travers ta chanson. Exactement, c'est ça que je veux donner aux gens, en fait. Message d'espoir, quoi. C'est ça. Tue tes parents. Tue tes parents. Exact. Tue tes parents si tu galères. C'est quoi l'important? Bah, en fait, tu peux te faire le deuxième couplet, si tu veux. C'est quoi? C'est... Si tu trouves que la vie est dure, sois sympa, ne brûle pas ma voiture. Toute cette fumée, ça va polluer. Et c'est mal d'embêter les pompiers. Alors plutôt que de boire de l'alcool, d'acheter du shit ou de sniffer de la colle. Ne parle pas aux inconnus, arrête de traîner dans les rues. Et tue tes parents. Tu verras ça détend. Ouais, vas-y, avec quoi? Tue tes parents, tu verras ça détend. Tue tes parents, tu verras ça détend. Voilà. Voilà, mon frère, à bientôt. Eh ben quoi, on fait pas une deuxième prise, bibiche? C'était en direct, mère. Comment ça? C'était en direct, je te dis. Ouh, punaise, c'était en direct? Mais je savais pas que c'était en direct. Eh, franchement, je l'imite bien le président Chirac, non? Oh!